pas de terris, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Et oui, deux heures de musique, pas comme les autres, comme tous les dimanches. Sébastien Agas au pilotage de cette émission qui va nous conduire gentiment jusqu'à 20h. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Vous devez être sûrement fatigué si vous avez participé à toutes les activités qui étaient proposées dans le Rouennais et ailleurs, parce qu'il y a eu énormément de choses. Juste avant le top horaire, un petit coucou aux Plasticines qui ont fait vibrer. Je crois que vous étiez à peu près 500 du côté du Festoche, c'était vendredi soir, et 800 hier, donc gros chiffre, je crois 1500 en tout cas il me semble, sur les deux soirs du Festoche, 10e anniversaire, et ça a été très très très très bien. On y reviendra d'ailleurs sur ce Festoche tout au long de cette émission. On aura l'occasion d'avoir quelques pensées pour tous les organisateurs. Superbe organisation une fois de plus, et le public qui était venu nombreux. Il y avait beaucoup de très bonnes choses donc le Festoche, il y avait aussi un concert du côté de Villeray. On a été faire un petit tour du côté du Satellite Café aussi avec la venue d'une artiste du Burkina Faso, c'était excellent. Et puis on va commencer cette émission avec deux groupes qui étaient à l'honneur. C'était vendredi soir au Fil à Saint-Étienne, premier groupe qui s'appelle Mystic Motorcycles, et ils font du rock'n'roll de luxe. Voilà ce qu'ils font, c'est comme ça qu'ils décrivent leur musique. Ils ont joué au festival Cosmic Trip de Bourges, c'était le samedi 22 mai, et là donc vendredi soir ils étaient du côté de Saint-Étienne. C'était à l'occasion de la sortie de leur nouvel et double album qui s'appelle Dress to Impress, Rock'n'Roll Died in Paris, un album qui est sorti le mois dernier. Voilà, excellent concert donc du côté du Fil. Et un extrait tout de suite pour commencer cette émission, ça s'appelle I Just Can't Stop Dancing With You. Yeah. Les Mystic Motorcycles, I Just Can't Stop Dancing With You, tiré de leur double album hein, Dress to Impress, Rock'n'Roll Died in Paris. Ils étaient, je vous le disais, vendredi soir du côté du fil, avec un groupe de 4 japonaises de 20 ans en provenance directe de Tokyo qui produisent elles aussi du bon rock'n'roll. Elles s'appellent Lazy Guns Brinsky. Écoutez le son de Virgin Radio Rouen 89.4 Pop Rock, le son de Label Rock comme tous les dimanches de 18h à 20h et le son en particulier des Lazy Guns Brisky, 4 jeunes japonaises de 20 ans à peine qui nous viennent de Tokyo, qui étaient donc du côté du fil à Saint-Etienne vendredi soir. 4 japonaises, hein, elles s'appellent Lucy, Izumi, Azu et Mo qui se sont rencontrées en 2006, hein, ça a été rapide pour eux, première démo enregistrée en février 2007, premier album en avril 2008, suivi d'un mini-album en décembre 2008, deuxième mini-album l'été dernier. À noter, si vous nous écoutez via le podcast, qu'elles sont en Europe jusqu'à la fin du mois, fin juin. Hein. Donc, si vous voyez leur nom sur des flyers, allez les voir car franchement, elles en valent le coup. Nous sommes dimanche 30 mai, jour de la fête des mères. Donc, on va en profiter pour faire un petit coucou à toutes les mamans qui m'écoutent hein, et qui écoutent la Belle Rock religieusement tous les dimanches. Je les remercie. Et on va faire un petit tour du côté de Paris. Tiens, avec des nouvelles du label parisien qui s'appelle Crash Disc, nouvelle sortie, celle du nouvel album d'Edouard Nénez et les Princes de Bretagne. L'album est disponible depuis le 19 avril, il s'appelle Prise de Chou, ça s'invente pas, hein. Edouard Nénez et les Princes de Bretagne, c'est un troisième album avec 14 titres de punk dessus, hein, avec des textes bah, bien souvent très rigolos, beaucoup d'autodérision, du second degré, de l'énergie. Et au niveau de la musique, hein, ça balance entre le

Édouard Nénez et les Princes de Bretagne pour commencer l'extrait. Hein, s'appelait, vous l'avez compris, Connard en camping-car. Un texte qu'aurait pu écrire tiens Axel hein, du groupe Mato. Excellente performance du côté du Festoche hier soir. Les garçons de Mato qui ont bien clôturé ce festival de bien belle manière avec beaucoup d'énergie, mais on en attendait pas moins de Mato. Hein, et puis on fera aussi un gros coucou à Tété qui a tout simplement été énorme. Coucou aussi au Made in Nowhere et coucou en général à tous les groupes qui ont participé à cette 10e édition du Festoche. Je vous le disais, vous avez été plus de 1500 personnes sur tout le week-end, vendredi et samedi soir. On attend avec impatience évidemment l'édition de 2011. Édouard Nénez donc et les Princes de Bretagne. Je viens d'en recevoir un petit email de Sophie qui me dit c'était marrant ça. Redonne l'album s'il te plaît, ça s'appelle Prise de Chou, c'est disponible chez Crash Disc, label parisien. Et c'est donc le 3e album. Et puis à l'instant on était resté dans le rock'n'roll avec un groupe qui a joué un excellent festival du côté de Bourges, c'était le week-end dernier. Le festival, ça s'appelle le Cosmic Trip, et le groupe King Salami and the Cumberland Free. Voilà, 4 anglais. Franchement, je les aime bien, ils sont bien délire. Une des récentes sensations du rhythm and blues punk qui inonde en ce moment l'Angleterre. Un groupe évidemment influencé par la musique rock des années 50 et 60. Je me suis renseigné un petit peu sur leur cas. 4 singles qui se sont vendus comme des petits pains. Et depuis peu, vous pouvez trouver leur premier album qui s'appelle 14 Blazing Bangers. C'est sur un label qu'on a déjà joué dans la label rock qui s'appelle Dirty Water Records. Autre groupe découvert lors de ce festival Cosmic Trip du côté de Bourges, un groupe qui se fait appeler Los Banditos. Alors ils ont un nom à consonance espagnole, mais pas du tout, ils viennent d'Allemagne. Ils se sont constitués en 1996 et ils se spécialisent eux aussi dans la musique garage rock comme ça, avec pas mal de morceaux surf aussi, avec de la soul d'hier, derrière des percussions cubaines par-dessus. Sachez que si vous voulez en savoir plus sur Los Banditos, il existe un CD, sorte de best-of un petit peu, qui s'intitule Collected Works, et qu'il y a un dernier album aussi qui est sorti l'an dernier qui s'appelle Beat Odyssey. Voilà, Los Banditos, tout de suite dans la Bell Rock, ça s'appelle Derrick. Ouais, comme le personnage sur France 3, Derrick. Los Banditos, on y va. C'est la Bell Rock sur Virgin Radio. Jusqu'à 20h. Yeah. un nom à consonance espagnole, Los Banditos, mais ils ne sont pas espagnols du tout. Ils viennent d'Allemagne et ils sont à l'honneur d'un CD best-of intitulé Collected Works. Voilà, pour savoir un petit peu plus sur cet excellent groupe qui vient d'Allemagne et qui a donc joué le week-end dernier. C'était du côté de Bourges au festival Cosmic Trip. On va rester dans les nouveautés, beaucoup de nouveautés en programme de Label Rock ce soir sur le 89.4 jusqu'à 20h, avec une nouveauté qui vient d'un label qui s'appelle Matador. Je vous rappelle que le label Matador, distribué en France par Beggars Banquet, cette nouveauté concerne 4 américains qui se font appeler Harlem, et pourtant ils ne viennent pas du célèbre quartier new-yorkais, mais au contraire ils viennent d'Austin au Texas. L'album s'appelle Hippie, là encore rien à voir avec le célèbre mouvement des années 60. Ici ça sent plutôt bon la sueur, la bière et le rock tendance garage. 16 titres sur cet excellent album, chaque titre qui fait 2 à 3 minutes chacun, et à chaque fois ça sent bon le blues, joué souvent avec des accords assez crado. Au niveau de la voix c'est pas toujours ça, mais peu importe, franchement j'aime beaucoup et l'album est très sympa. Je vous rappelle donc, le groupe s'appelle Harlem, l'album Hippie, et c'est disponible chez Matador, distribué en France par Beggars. On s'en écoute tout de suite un extrait, ça s'appelle Someday Soon. Someday soon you'll be on fire. For a glass of water, I say no. You can just let that shit burn, and you'll say, please, please, please put me out. I promise not to do it again, whatever I did to you. Comme chaque dimanche sur le 89.4, beaucoup de nouveautés entre 18h et 20h. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Label Rock, et à l'instant Harlem, une nouveauté donc sur le label Matador, 4 américains qui viennent de sortir un album, c'est leur deuxième album, il s'appelle Hippie, 16 titres dessus pour un groupe qui me fait penser à une sorte de Libertines, un petit peu version américaine, puisqu'ils viennent d'Austin au Texas. On est ensemble jusqu'à 20h, n'hésitez pas à m'envoyer des emails, si vous avez été à des... Il y a beaucoup de concerts, puisque je vous rappelle, il y avait une festoche ce week-end, il y avait un concert du côté de Villeray aussi, il y avait d'excellents concerts du côté du Phil, un autre du côté de Riorge avec le groupe La Filoche, pour une nouvelle association. Si vous avez été dans un de ces concerts, ou peut-être fait plusieurs concerts, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me donner vos impressions. virginradiorouen@orange.fr, virginradiorouen@orange.fr. On va laisser tomber le rock quelques minutes pour rejoindre l'électro avec la sortie d'une compilation mixée dirigée par l'allemand DJ L. C'est dans la collection Body Language, 9e volume déjà. Ça sort sur le label Get Physical Music, distribué en France par La Baleine, il me semble. Voilà. Et on va s'écouter deux extraits, dont un extrait c'est Depeche Mode, hein, pour commencer, un titre bonus de Depeche Mode qui date de 2009, qu'on retrouve sur l'édition limitée de leur dernier album qui s'appelle Sounds of the Universe, et puis un truc de fanfare, après vous allez voir, c'est assez énorme. Voilà, je vous rappelle donc, la compilation s'appelle Body Language, 9e volume, dirigé par DJL. Depeche Mode donc, pour commencer, cette petite escarpade électro, on va dire. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aimerais bien quand il y a des fanfares dans les fêtes de village, que ça sonne comme Die Vogel qu'on vient de s'écouter à l'instant, hein. Empire suivi, enfin précédé plutôt de Depeche Mode esque, c'est sur une compilation, je vous le disais, de DJL. La compilation s'appelle Body Language volume 9, disponible chez La Baleine sur un label qui s'appelle Get Physical Music. Je ne sais pas si Fabrice, hein, qui retransmet le basket chaque vendredi soir, enfin chaque fois qu'il y a des matchs de la chorale, m'écoute. Et il a annoncé vendredi soir en rigolant comme ça que j'allais faire une spéciale compagnie créole. Ce n'est pas le cas évidemment, mais j'ai quand même réussi à caler de la fanfare dans la Bell Rock, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, allez, on va rester dans l'électro avec un titre qui, c'est sûr, va cartonner cet été dans les discothèques. C'est la rencontre de trois artistes, la chanteuse Uffy, le producteur Mirway et le rappeur Pharrell Williams. Vous l'aurez compris, c'est du lourd et encore plus lourd, puisqu'on rajoute à ça un vétéran de la scène house américaine qui s'appelle Armon Van Elden au remix, et vous allez obtenir, ça c'est sûr, un gros carton. Le titre s'appelle Ad Sov, ça sort sur le label Headbanger, distribution en France par Because. Uffy tout de suite dans la Bell Rock, Ad Sov. Un remix signé Armon Van Elden. C'est le moment de pousser les meubles et de foutre la musique à fond et de danser, tout simplement. On y va. Tous les dimanches, 18h-20h, la Bell Rock. But the ADD makes it crazy me, and they can't see, that's why they blame me. Tell the women hi, I dip and die, I skip and fly, I'm a different guy. When I open up my eyes, sometimes I don't know where I've been. Heart tells me trip to cloud nine, headaches as it thinks just if I'm driving in that SUV. ADD takes over me, cruise control, lanes from power, so the dogs can play with no sound. I pull up to another dinner party, host by another Barbie, pretty and pink princesses. Schizophrenic, pathogenic, psychogenic, hallucinogenic, photogenic, authentic, hugely intelligent, manic, depressive, aggressive, psycho, obsessive, possessive, attention deficit disorder, handheld cassette recorder. Énorme Huffy pour commencer, nouveau single qui s'appelle Ad Sov, remixé par Armand Van Elden hein, à l'instant. Franchement terrible, j'aime beaucoup, un petit peu dance on va dire quand même, mais ça passe super bien fait. Et je lui promets un bel avenir à ce single, un petit peu à chaque fois que Armand Van Elden met sa patte en général, ça cartonne. Voilà donc Huffy, je vous rappelle qu'il y a le premier album qui va arriver aussi. Et puis à l'instant un remix du dernier single de Mia hein, par le producteur gallois de drum and bass qui s'appelle High Contrast. Je vous rappelle aussi que le troisième album de Mia, à moins qu'on dise Maya, je ne sais pas, en tout cas Mia sortira fin juin. On va revenir du côté de la France avec une nouveauté française, cette fois signée par les Parisiens de Pony Hawks. On attend évidemment le successeur de leur dernier album. Dernier album où vous vous souvenez, hein, trôner le tube Antibodies. Les Pony Hawks, donc en attendant ce nouvel album, ils en profitent pour sortir un maxi. C'est sur un nouveau label hein, qui s'appelle Abracada Records. Le single s'appelle We Are The Bankers et il sort demain. dimanche, 18h-20h, Label Rock, avec Sébastien Gasse. À l'honneur de Label Rock, nouveauté anglaise à l'instant, dit Sunshine Underground in Your Arms, extrait du nouvel album, hein, du Sunshine Underground, groupe anglais qui vient de Leeds. L'album s'appelle Nobody's Coming to Save You, et comme d'habitude, on retrouve la marque de fabrique du groupe, notamment ce mélange de punk, de funk et de pop indé à l'anglaise. Je vous rappelle que l'album est disponible depuis quelques semaines sur le label City Rockers. Et puis juste avant, nouveau maxi pour le groupe parisien Pony Hawks, ça s'appelle We Are The Bankers, ça sera disponible demain sur un tout nouveau label qui s'appelle Abracada Records. Deux sorties de prévues, celle-ci donc, Pony Hawks, We Are The Bankers, demain, avec en prime un des remixes signés Renaissance Man, Mustang et The Living Islands, et puis un autre single qui va arriver demain aussi ou la semaine prochaine, je sais plus. Un groupe qui se fait appeler The Craze, avec en featuring Ebony Bones. Le titre, c'est We're Ready When You Are. Je l'ai reçu aussi, c'est vachement bien. Donc on aura l'occasion d'écouter ça peut-être la semaine prochaine, hein, surtout qu'il y a un remix de DJ Mehdi qui est excellent.

Code réservation QWXXCJ. Mot de passe Casablanca. Départ Orly 9h47. Retour le 23 à 7h15. Arrivée Paris 11h03. Charles de Gaulle. Terminal 3. Une baguette, crevettes, trois avocats, sopalin, tampons normaux, produits vaisselle, lait demi-crémé bio, 6 œufs bio, 7 poubelles, 50 litres. D'une écriture différente, de papier en tête. FXOR 75 LP, une gélule 3 fois par jour. Après Zolam 0,50 mg, 6 prises par jour maximum. Puis une signature informe, suivie d'un caducé. Je te rappelle que tu as un fils qui va à l'école tous les matins et qui aimerait bien prendre le petit déjeuner avec son père de temps en temps. Salut. La visite est à 16h, il y a encore plein de trucs à toi dans le bureau du fond. Tu veux sans doute les récupérer. Appelle-moi. Mon nouveau numéro 06 62 73 49 63. Benjamin Biolay, Brandt Rhapsody, extrait de son dernier album, un double album, La Superbe. Il sera donc le jeudi 22 juillet du côté du Festival des Nuits de Fourvière avec en première partie Angel, Indeed and Tracks avec au milieu Émilie Simon, très belle affiche donc. Je vous rappelle que le Festival des Nuits de Fourvière c'est à Lyon du 4 juin au 31 juillet. Je redonne encore une fois le site internet pour la billetterie www.nuitsdefourvière.fr ou alors 04 72 32 00 00 et vous pouvez appeler du lundi au samedi de 11h à 18h. Reçu un email, c'était quand jeudi, de Alexandre, une des personnes qui s'occupe de gérer un petit peu les médias et la presse, qui me faisait dire qu'il reste encore quelques places, seulement quelques places pour le concert de Biolay, donc dépêchez-vous. Et il me demandait si je pouvais donner un petit coup de pouce sur l'artiste anglais Richard Howley qu'on a écouté, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines il me semble dans la Label Rock, et qu'on aura l'occasion de réécouter d'ailleurs la semaine prochaine car il y a un nouveau maxi qui vient de sortir. Allez-y donc, Richard Howley, encore une fois, nuit-de-fourvière.org pour tout savoir sur la programmation et vous faire plaisir, ça va être excellent. Tiens, un autre email qui vient de tomber, signé des Cagettes, puisqu'on parle de concerts, les Cagettes en tournée. Ça sera le dimanche 13 juin à 19h à la Bénisson Dieu dans le théâtre de Verdure. Et la bonne, et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Donc les Cagettes en tournée, un concert du côté de la Bénisson Dieu à 19h le dimanche 13 juin au théâtre de Verdure. Et c'est gratuit. Plus d'infos sur www.cagettesaupluriel.com ou alors sur leur site myspace.com/cagettes. Allez-y, c'est rigolo les Cagettes. Il faut aller les soutenir. Nous, on va marquer une petite page de pub. Ne bougez pas, la Label Rock, ça revient dans 3 minutes. Tous les dimanches, 18h-20h, la Label Rock, avec Sébastien Gass. Et oui, la Label Rock jusqu'à 20h, ça veut dire qu'il nous reste encore 55 minutes de très bons sons, beaucoup de nouveautés jusqu'à 20h. C'est pas une nouveauté, qu'on va vous passer maintenant, puisque c'est tiré d'un best-of du collectif londonien dit Herbalizer. On va mettre un petit peu de sensualité dans ce programme, puisque le titre s'appelle The Sensual Woman. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas The Herbalizer, ils sont signés depuis 2008 sur le label berlinois Cassette, mais ils étaient avant signés jusqu'en 2005. Ils ont fait une grande partie de leur carrière sur l'excellent label londonien qui s'appelle Ninja Tune, qui du coup décide de sortir un best-of comme ça avec quelques petits inédits au passage. Le best-of s'appelle Herbal Tonic, date de sortie prévue le 14 juin. Et si vous ne connaissez pas cet excellent groupe de hip-hop un petit peu abstrait comme ça avec beaucoup de touches jazz au passage, et ben vous allez voir que chaque titre, c'est une petite bombe qui éclate à vos oreilles comme ça avec, je vous le disais, des influences que le groupe affectionne particulièrement comme la soul, le funk et le hip-hop. Pour repartir donc cette deuxième heure d'Herbalizer tout de suite dans la Label Rock sur le 89.4 Virgin Radio One Pop Rock et puis un petit peu plus que ça tout de même. To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes. Oh, lose his respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of the fact that with me, he is the world's most imaginative lover. Men pick amazing places for sexual adventure. The wildest adventure proposed to me was in a bathtub we would fill with Jell-O. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring color, the most delicious flavor, and how would that affect our oral explorations? If the Jell-O gets firm, would I bounce? As you look around for what's new and different, remember these three important weapons that should be learned to keep a man in love. Imagination, sensitivity to his moods and desires, and the courage to experiment with new sexual techniques, enticing situations and places. Lovemaking is physical, and so is its language. Suck, cock, fuck, and prick are not bad words. Used in the bedroom by lovers to describe parts of the body and physical activities, they are very proper indeed, and they distinctly enhance sex. Overhaul a prudish attitude. Don't bristle and stick up your nose. At least, not up in the air. La sensualité vue par les londoniens dit Herbalizer, c'est un best-of qui s'appelle Herbal Tonic. Je vous rappelle, ça va sortir le 14 juin. Beaucoup de très bonnes choses sur ce best-of en CD, hein, soul, funk, hip-hop. Ça sort donc chez Ninja Tune, puisque maintenant ils sont signés chez Cassette. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un nouvel album qui va arriver concernant dit Herbalizer. On revient en France maintenant avec, je ne sais pas si vous écoutez le 89.4 pendant la semaine, mais je vous ai fait découvrir il y a quelques semaines de ça un groupe français, un duo français qui s'appelle Véron, avec un titre qui s'appelle La fiancée du crocodile, qu'on a rentré du coup en playlist sur le 89.4 tout au long de la semaine. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un autre extrait de cet excellent album qui est sorti le 17 mai. Deuxième album donc pour le duo français de Véron, composé de Fabien et de Delphine. C'est disponible sur le label bordelais de Talitresse. L'album s'appelle aussi La fiancée du crocodile. Nous, on s'écoute tout de suite un extrait. Ça s'appelle L'élixir du suédois. Si tu ne vas pas te laver, un groin bientôt te poussera. Naf naf le petit cochon, tu finiras en jambon. Gros. groin, groin, mon petit trésor, fais gaffe à tes côtes de porc. Travaille ton plus à l'école, où tu te transformeras en âne. Ion, ion, tes oreilles seront tapissées de poils. Si tu ne vas plus à la messe, tu seras changé en grenouille. Quoi, quoi, disent les nonnes en sussotant ta dépouille. S'allongera. Clopin, clopin, tu seras boiteux et nain à la fois. Si tu continues à mentir, tu sais ton nez, on te le tranchera. Pour faire du nez vinaigrette, miaou, miaou pour le chat. N'y pourront rien, ni la poudre de Merlin, pimpin. La cavalerie ne viendra pas, et les Dalton, ils arrivent pas. S'appelle Vérone, extrait du premier album, deuxième album pardon, qui s'appelle La fiancée du crocodile, sur l'excellent label bordelais Talitres. Fabien et Delphine, définitivement un de mes coups de cœur du mois. L'album est sorti le 17 mai et franchement il est très très bien cet album. Il s'appelle La fiancée du crocodile. De très bonnes choses du côté de la France. Je vous ai parlé tout à l'heure du jeudi 22 juillet avec le concert de Benjamin Biolay et d'Émilie Simon du côté des Nuits de Fourvière. Je vous ai annoncé aussi qu'en première partie, et ça c'est plutôt glamour, hein, c'est très très bien, il y aura un groupe stéphanois qu'on a reçu dans cette émission qui s'appelle Angel and the Hidden Tracks. Ils ont sorti il n'y a pas longtemps leur nouvel album qui s'appelle The End sur le label toulousain We Are Unique Records. On va s'en écouter un extrait, ça s'appelle Jackson Junior Redding. Juste le temps de vous dire qu'ils seront donc le 22 juillet aux Nuits de Fourvière. Et concernant la fête de la musique, double actu, hein, puisqu'ils seront le 21 juin du côté de Saint-Étienne et de Lyon. Angel and Hidden Tracks tout de suite dans Label Rock, on adore. You've got to live up to what you want. You've got to stand up to what you don't. I knew I'd end up singing a song that goes, you've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. I'm not listening to you, I'm not seeing you, I just pretend to... There are parallel worlds, much going on beyond the persona. If I wasn't in here, would I be there, or am I bound to 10% here, 10% there, and 80% true? You've got to live up to what you want. You've got to stand up to what you don't. I knew I'd end up singing a song that goes, you've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. Your name is inspiring. Come out is stimulating. Otis is ready. And Jackson Jr. is one of the artists of his time. And Jackson Jr. is one of the artists of his time. Because he sings, you've got to live up to what you want. You've got to stand up to what you don't. I knew I'd end up singing a song that goes, you've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. You've got to stand up to what you don't. I know when I'm old I'll sing along the song, you've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. One more time, you've got to live up to what you want. You've got to stand up to what you don't. I knew I'd end up singing a song that goes, you've got to live up to what you want. You've got to live up to what you want. Oh oui, ça va le faire le 22 juillet, Angel and the Hidden Tracks aux Nuits de Fourvière, et donc le 21 juin du côté de Saint-Étienne et de Lyon pour la fête de la musique. La scène locale et régionale toujours et encore à l'actualité de Label Rock et du 89.4 en général. On aime soutenir les artistes locaux. Double actualité, tiens, puisqu'on parle d'artistes locaux pour Godot. Godot, l'album s'appelle Postcards Number One, il est sorti le 1er mai dernier. Je vous rappelle qu'il y a des featuring, hein, enfin c'est une association entre Godot et un artiste de Nice qui s'appelle Benjamin Fincher. Can't feel the brow and tall Bassin's face. Bodies like art, no more grub, no heart. All in regard and tall Bassin's gouge. I follow the course when west and come down. When I saw reasons to feel of the home. I left all the treasures my country gave me. Provide your marble, make never say cheese. Yes, tell these people inherited our hearts. Emperors and crooks in Tolbassin's eyes. You see a leopard, it's just son of time. The Chantan Koshoki falls in Tolbassin's arms. I follow the coast, when west of the coast. When I saw a rest, no fear of the cold. I left all the treasures, my country gave me. balade musicale en ce dimanche soir en compagnie de Godot et Benjamin Fincher. L'album s'appelle Postcards No. 1. Il est disponible depuis le 1er mai dernier. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un site internet qui s'appelle www.postcardseries.com sur lequel vous pouvez découvrir ou redécouvrir l'univers si particulier de ce projet, avec notamment des vidéos format carte postale de Clément Fessy. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger l'album sur toutes les plateformes légales de téléchargement et de lecture en streaming comme Deezer, Fnac, iTunes, Virgin Mega, Spotify, enfin bref, plein de plateformes distribuent cet excellent album. Et vous pouvez aussi évidemment l'acheter sur le magasin maison du label Paradise for Parasites, c'est www.pfpshop.bandcamp.com. Godot, Benjamin Fincher, ça s'appelait Thorvaldsen's Eyes. Pas simple à dire tout ça. Sick liar, sick liar, sick liar. Persuade me to say. Ah! nouvelle sortie du label allemand basé à Berlin, Souvenir. Ça, c'est le nom du label. C'est le label de Tiff Schwartz, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un duo, cette nouveauté composée de LP et Ifta, un duo basé à Berlin. Bref, vous l'aurez compris, c'est une sortie 100% en Berlin. Ça va sortir la semaine prochaine, il me semble. C'est un maxi 4 titres avec 2 morceaux originaux et 2 remixes signés par Dope et Rud Hagelstein. Voilà, on s'est écouté, nous, le premier titre original qui s'appelle Sick Liar. Je crois que l'autre s'appelle The Pink Panther. Voilà, LP and Ifta. Rappelez-vous de ce duo. À mon avis, il y a un album qui va sortir très prochainement. Et on devrait en entendre un petit peu plus parler de ce duo, donc berlinois. Nouveauté toujours dans ce programme Label Rock, mais ce coup-ci, on laisse l'Allemagne. On part du côté de l'Angleterre. Plus précisément, dans une ville importante du nord qui s'appelle Manchester, avec The Long Cut. J'aime beaucoup l'âme qui se dégage de ce remix signé The Early's Tell You So, extrait d'un maxi 7 titres, hein, qui marque le retour du groupe de Manchester, The Long Cut, avec des remixes effectués par des potes à eux, hein. On retrouve du beau monde d'ailleurs sur cette maxi, puisqu'on retrouve Output Message, Toro, Emoy, Gallops et bien évidemment The Early's sur ce titre Tell You So. Maxi 7 titres, hein, donc signé The Long Cut, disponible sur le label toujours de Manchester qui s'appelle Le Mélodique, qui m'a envoyé un email la semaine dernière d'ailleurs pour me donner des nouvelles de Long Cut, hein, qui sont déjà en train de bosser sur leur prochain album. Et d'après le chanteur et le label, celui-ci devrait être épique, sombre et expérimental. Expérimental, c'est l'adjectif hein, qui pourrait qualifier aussi cette très belle découverte que j'ai fait grâce au label Warp Records. Je ne sais pas grand chose sur cet artiste, je crois que personne ne sait grand chose sur cet artiste qui se fait appeler Ganja Sufi et qui vient de signer un magnifique premier album intitulé Sufi and a Killer, un disque vraiment fascinant entre le rap abstrait, la soul tordue et le psychédélisme dingo. On sait quand même hein, d'après l'internet que Ganja Sufi est américain, que son vrai nom c'est Soumash X, qu'il erre entre Los Angeles, Las Vegas et les étendues du sable du désert californien, qu'il a été un temps pompiste pour avion, puis qu'il est devenu professeur de yoga, et apparemment il a l'habitude de passer la plupart de ses journées, de ses nuits dans le désert à méditer. Voilà, il est très mystique hein, ce garçon Ganja Sufi, un grand mystique donc, et un premier album vraiment un grand disque de l'année 2010 que je vous recommande. Un extrait tout de suite dans la Belle Rock, Ganja Sufi, ça s'appelle Duet. Sur le label Warp Records, issu du premier album de Ganja Sufi, le mystique américain. L'album s'appelle Sufi and a Killer. On va rester dans le calme et tout aussi émouvant. Une magnifique reprise signée par le Belge Arnaud. À vous de reconnaître le titre original. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth.

to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless, and forgettable. All I ever wanted and all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Son si caractéristique des Américains de Nada Surf, un album de reprise qui vient de sortir qui s'appelle If I Had Hi-Fi. C'est sorti ce mois-ci, hein, mois de mai, avec un concept très simple, hein, puisque c'est en fait le groupe qui enregistrait 12 de ses chansons préférées en 3 semaines seulement dans un studio à Austin, au Texas. Dessus, on retrouve 12 reprises, donc avec notamment des chansons de Kate Bush, Go Betweens, les Moody Blues, Soft Pact et aussi évidemment ce qu'on vient de s'écouter. Dépêche Mode, Enjoy the Silence, Nada Surf, donc If I Had Hi-Fi. On va continuer ce programme, on va rester du côté des États-Unis avec un extrait du deuxième album des Américains de MGMT Management. Hein, et à noter que le groupe est actuellement en pleine tournée américaine et ils ont annoncé, ça c'est une bonne nouvelle, une venue en Europe à l'automne prochain avec 3 dates au Bataclan à Paris. Et surtout, c'est ce qui nous intéresse, une au Transborder de Lyon, ça sera le 14 décembre. MGMT dans la Belle Rock, ça s'appelle I Found a Whistle. Centuries of dissolution. I Found a Whistle, extrait du deuxième album Congratulations des Américains de MGMT, un album produit par l'anglais Sonic Boom, un dernier album véritable voyage psychédélique composé de 9 morceaux. J'étais pas particulièrement fan sur leur premier album, mais je dois dire que cet album, un nouvel album, est vachement bien foutu et ça me plaît beaucoup plus hein, au point de vue de l'atmosphère musicale. La bonne nouvelle donc, je vous disais, c'est leur venue en Europe à l'automne prochain, 3 dates au Bataclan à Paris et une au Transborder de Lyon le 14 décembre. Un petit conseil, à mon avis, c'est une très bonne idée de faire une réservation tout de suite. Play the fool. The ugly, the yin, the yang, the moon on the spoon, the river on the fish. The bush, the desert, the pop and the princess, the hope and the distress, the war and the witness, the less, the bearer, the aunt, the infant, the man and the woman, the birds and the bees. We. Say we all in this, we all in this. Say we all in this, like a baby in his mother's. People wanna play, play the fool. Everybody in a cool. Only Jaja makes the rules. The north, the east, the west and the rest. The south, the mouth, the foot and the roots. The rich, the poor, the needy and the greedy. The getty and the beggar. Everybody in a cool. People wanna play the fool. Everybody in a cool. Only Jaja makes the rules. The dirty and the beggar, the lawyer and the liar, the ruthless and the mayor, the major and the minor, the hearer in the mirror, the fly that is high, the worm in the storm, the wise and the fool. Say we. The worm in the storm. Like a baby in his mother's womb. Everybody in a cool. People wanna play, play the fools. Everybody in a cool. Only Jaja makes the rules. The tall, the small, the beauty, the ugly, the yin, the yang, the moon and the spoon, the river and the fish. In a cool, make the rules. The bush, the desert, the pop and the princess, the hop and the distress, the war and the witness, the less, the baron, the aunt, the infant, the man and the woman, the birds and the bees. And the bees. The getty and the bigger, the lawyer and the liar, the ruthless and the mayor, the major and the minor, the hero and the mirror, the fly that's so high, the worm in the storm, the worm in the storm, the wise and the fool, the worm in the storm, the wise and the fool. In a cool, in a cool. The tall, the small, the yin, the yang. The yin, the yang. I'm Moon on the Spoon. Il est français, il s'appelle Baco Iris et avec ses potes il a fait un chouette album qui s'appelle, comment s'appelle cet album d'ailleurs, il s'appelle Kinky Station, voilà, et le nom du groupe complet c'est Baco Iris Band, l'album donc Kinky Station sorti le 19 mai dernier, un album enregistré à Paris dans le home studio de Baco, de très bonnes nouveautés reggae que j'aurai l'occasion de vous distiller dans les prochaines semaines. Puisque ça me fait toujours penser à l'été et j'aime bien le reggae aussi, donc ça tombe bien. Je regarde l'heure, il est 19h56, c'est donc avec un dernier titre qu'on va se quitter. Je vais faire un dernier coucou à toute l'équipe du Festoche pour nous avoir régalé tout au long de ce week-end. Bravo aussi aux 1500 visiteurs du Festoche qui sont venus donc célébrer le 10e anniversaire avec l'association du Club des Jeunes de Saint-Romain-la-Motte. Un grand merci évidemment à tous les groupes qui ont très bien assuré, que ça soit le vendredi ou le samedi. Un petit clin d'œil aussi au groupe My Name Is qui jouait du côté de Villeray hier soir, et malgré la fraîcheur de la météo et le faible éclairage près du lac de Villeray, ils ont réussi à mettre l'ambiance grâce à Eduardo et le reste du groupe. Voilà, on va se retrouver nous la semaine prochaine dans la Belle Rock entre 18h et 20h. Je vous rappelle que demain matin vous avez rendez-vous évidemment avec Pascal Jacquet à partir de 7h30 pour vos infos locales. Terminé donc pour la Belle Rock, on termine avec je vous parlais de très bon reggae, avec un nouvel album pour la légende jamaïcaine Pablo Moses, souvenez-vous, auteur de plusieurs chefs-d'œuvre dans les années 70 et 80, justement 15 ans après son dernier album studio, Pablo Moses de retour avec un nouvel album intitulé The Rebirth. Et cadeau, cerise sur le gâteau, on retrouve dessus des musiciens qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire du reggae jamaïcain, notamment Sly and Robbie à la basse, Dean Fraser au sax et bien d'autres encore. Un joli retour franchement d'une des dernières légendes vivantes du reggae venue de la Jamaïque. Ciao tout le monde, soyez sages mais pas trop, c'était la Belle Rock, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Vous avez rendez-vous avec la scène française dans quelques minutes. Days on the rise, fog is about to clear. Don't give up in despair. We have come a long way past the worst of days. Complete your mission, I say. Capture your visions day by day. No bad cap out, don't drop out. No bad cap out, don't drop out. No bad cap out, don't drop out. No bad cap out, don't drop out. Light at the end of the tunnel. Fight and work well. Don't let your hopes vanish. Pursue from start to finish. Malcolm X, Marcus Garvey, Steve Biko, Martin Luther King died for us to be free. Don't be a victim of the system. And be wise. Better days on the rise. Fog is about to clear. Don't give up in despair. You have come a long way. Past the worst of days. Complete your mission, I say. Capture your visions day by day. No bad cap out, don't drop out. No bad cap out, don't drop out. No bad cap out, don't drop out. No bad cap out, don't drop out. Seek and be wise. Better days on the rise. monkeys about to play. Don't give up in this day. Nobody kappa, don't drop out. Nobody kappa, don't drop out. Nobody kappa, don't drop out. Nobody kappa, don't drop out. Light at the end of the tunnel. Fight and work well. Don't let your hopes vanish. Pursue from start to finish. Hey. Nobody cap out, don't drop out. Nobody cap out, don't drop out. Nobody cap out, don't drop out. Goodbye. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. 2 heures de son pas comme les autres.